En Corée, le rassemblement des ouvriers syndiqués pour prêter serment de tenir à jamais le général Kim Jong-il comme leader éternel du Parti Travail de Corée et de la Révolution, et se tenir fidèlement la direction de Sangun du maréchal Kim Jong-un, s'est déroulé le 14 courant au palais central des ouvriers. Y ont pris part Lee Il-hwan, chef de département du comité central du Parti Travail de Corée, les syndicalistes, les syndiqués et les ouvriers. Les orateurs ont dit que le général Kim Jong-il s'est intéressé profondément à accroître le rôle de noyau et de pionnier des ouvriers et éclairer la voie à suivre par l'union des syndicats à chaque période et à chaque étape du développement de la révolution pour ainsi la conduire avec clairvoyance. Ils ont appelé tous les ouvriers et syndiqués à garder au très fond du cœur la noble appellation de l'héroïque classe ouvrière Kim Il-sung-Kim Jong-il donnée par le maréchal Kim Jong-un et remplir les glorieuses missions et devoirs en tant que troupes combatives et de pionniers dans l'accomplissement de la cause révolutionnaire tutsé.